Chapitre 9e, le fil cassé. Les hommes de Paulin Broquet, en entendant cette déclaration, ne purent s'empêcher de frémir. Frémir non de peur, bien entendu, mais de joie, d'impatience, du désir de recommencer hardiment la lutte contre cet éternel ennemi, qui, abattu, renaissait toujours, sous un nouvel et plus magnifique aspect. Paulin Broquet, après un court moment de silence, ayant roulé et allumé une cigarette, reprit. Ayant appris le nom de l'amant de la femme aux cheveux teints, j'ai voulu savoir qui était, ce qu'était en vérité l'homme que cette femme prétendait enlever à Miss Eden, lui disputer et garder pour elle indéfiniment. J'ai, en cherchant dans mes notes, mes documents, trouvé une fiche, tout un petit dossier très intéressant concernant le prince Grigoriski, dont la vie est assez mouvementée. L'âge de ce prince correspond à peu près à celui de notre éternel ennemi, mais le signalement que porte mon dossier est essentiellement différent. Il est vrai que ce dernier remonte à plusieurs années. Il aurait besoin d'être vérifié, remis à jour. « Chef, si vous voulez, » proposa l'amorce, « nous verrons cela, mon garçon. » Paulin Broquet congédia ses hommes après leur avoir donné quelques instructions, de nouveaux ordres. Seul dans son bureau, il alla prendre dans son secrétaire un dossier assez volumineux sur lequel, d'une grosse écriture bâtarde, se trouvait écrit « Prince Grigoriski ». Il l'ouvrit et se mit à le feuilleter, à l'étudier. Celui que nous connaissons maintenant sous le nom du docteur Hauger, alias le redoutable Thumbtwig, s'étant mis pendant 20 minutes à courir après les deux hommes qu'il avait si singulièrement croisés sur le pas de la porte, au moment où il rentrait chez lui, comprenant que sa poursuite était vaine, que ses recherches demeuraient sans résultat, se décida enfin à rentrer chez lui. En remontant la rue dans laquelle il s'était engagé, il se disait, fort mécontent, « Ils ont dû filer par l'autre côté du boulevard. J'étais mal inspiré en venant ici. J'ai manqué de flair. » Il déboucha sur le boulevard de Port-Royal et redescendit vers sa maison. Il passa devant la porte dans l'angle de laquelle, tout à l'heure, il avait aperçu un miséreux qui dormait tout plié, tout ramassé, la tête dans les genoux. Il regarda. Le miséreux, nous le savons, ne s'y trouvait plus. Thumbtwig ou le docteur Hauger eut un geste de dépit en s'arrêtant une seconde devant cette porte maintenant abandonnée. « Stupide que je suis, » se dit-il, « pendant que je courais après eux, voilà où l'un d'eux se trouvait tranquillement pour me voir passer et se moquer de moi. » Et reprenant sa marche, il ajouta, « Mais si je suis roulé, ce n'est pas sans bénéfice. Ce petit tour, très adroit, très amusant, je le reconnais, confirme mes soupçons. Cet homme était l'infernal Paulin Broquet. » Le docteur entra chez lui. Comme il tombait de sommeil, il se coucha, remettant à plus tard la poursuite de cette inquiétante affaire. Son ami le prince Grigoriski lui avait dit « À demain ». Il aurait pu tout aussi bien lui dire « À tout à l'heure ». Car au moment où il le quittait, le jour, le lendemain, était déjà bien commencé. Mais le prince, sans doute, par cet « à demain », entendait dire l'après-midi, dans la soirée. Aussi grande fut son anxiété quand, vers midi, au moment où le docteur Hauger se réveillait, il fut appelé au téléphone par son cher ami. « Venez, venez, » lui dit le docteur, « il y a urgence. » Le prince savait que jamais Thumbtwig ne lui eût ainsi nerveusement téléphoné, si vraiment il y avait eu quelque chose de grave, un danger à l'horizon. Promptement, il se rendit boulevard de Port-Royal. Thumbtwig, quand il eut derrière lui fermé la porte de son cabinet, ne s'embarrassa pas dans des périphrases pour lui annoncer la chose. « Mon cher, ça y est, qu'est-ce qui est? Nous sommes brûlés. Comment cela? Paulin Broquet, c'est tout. C'est tout quoi? Il connaît notre maison, celle-ci. Comment le savez-vous? Je l'ai vu, moi. Où? Ici? Nous nous sommes croisés à la porte de la rue. Quand? Hier soir, lorsqu'après vous avoir quitté, je rentrais. » Thumbtwig donna au prince Grigoriski tous les détails qu'il demandait. Il lui raconta la rapide mais très sensationnelle scène qui s'était déroulée devant la loge de la concierge, dans le corridor, la poursuite sur le boulevard, les recherches vaines dans la rue, la disparition du mystérieux qui dormait dans le coin de l'autre porte. « Ah ! » s'écria-t-il, Il a dû bien rire en me voyant courir comme un fou après lui. « Mais, fit le prince Grigoriski, qui vous prouve que c'était Paulin Broquet ?»« Tout. Quand ce ne serait que cette façon adroite de dérouter ma poursuite, et moi, triple butor, qui n'y ai pas pensé. C'est un moyen classique, qui réussit toujours, qui encore cette fois n'avait pas failli. Quand on vous poursuit, le meilleur moyen n'est pas de courir très vite, c'est de s'arrêter. S'arrêter, je m'entends, avec un truc inattendu, où doivent se révéler toute l'imagination de celui qui veut échapper, toute son habileté, toute sa présence d'esprit. » Von Tuyck appuya. Voilà ce qu'a fait Paulin Broquet. Il a probablement pensé que moi aussi je l'avais reconnu, et que je tiendrais aussitôt à affirmer ma conviction que je le poursuivrais. S'il avait fui, s'il s'était mis à courir, je l'aurais vu, j'aurais pu le rejoindre. C'était alors seulement une question de jambes, de poumons. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, à deux pas de la maison. Et moi, fatalement, ne voulant pas perdre de temps, pressé de courir, je passe tout de suite devant lui. Je vous répète que c'est très adroit, cet homme vraiment est très fort. Mais l'autre, car vous m'avez dit qu'ils étaient deux, oui, l'autre devait être Gabriel ou Lamorce. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il ne se trouvait pas du côté de son chef? Non. Oh, je gage que l'autre a dû tout simplement traverser la chaussée et aller mes pieds de l'autre côté du boulevard sur le trottoir d'en face. C'était la seule conduite à tenir. Ils ne pouvaient rester ensemble, je les aurais vus, remarqués, devinés. C'est bien joué. Je n'aurais pas donné d'autre ordre à un de mes hommes, si j'avais été à la place de Paulin Broquet. Mais voyons, en admettant que ce soit Paulin Broquet, il n'y a aucune raison de s'alarmer, vous croyez? Nous nous faisons peut-être des illusions, et nous donnons à cet homme sans doute beaucoup plus de perspicacité, plus de talent qu'en réalité il n'en possède. Nous lui attribuons plus de bénéfices que sûrement il n'a pu retirer de cette aventure. Je crois qu'au contraire, je lui fais la part très mince. D'abord, mon cher, rien ne vous dit qu'il vous a reconnu. Tout me le prouve. Le hasard l'a fort bien servi. Il a admirablement profité de ce hasard, Dieu des policiers. S'il ne m'avait pas reconnu, il ne se serait pas sauvé comme il l'a fait. Je n'ose pas dire sauvé comme un voleur, mais avec cette promptitude, il n'aurait pas si brusquement fermé la porte pour que je ne puisse sortir en même temps, pour gagner quelques minutes sur moi, car je savais bien que j'allais courir après lui. Et il ne se serait pas séparé de son lieutenant. Il se serait tout bonnement mis en marche sur le trottoir, sans se presser, sans essayer de se dérober, sans me jouer ce tour. C'est possible. Je vous affirme, mon cher, que c'était Paulin Broquet, et je suis certain que Paulin Broquet m'a reconnu. Bon, je l'admets. Mais quel était son but en venant ici? Que voulait-il? Que cherchait-il? Nous allons à nous deux tâcher de le deviner. A-t-il pénétré chez vous? Non. De cela, je suis également très sûr. Alors, à mon avis, Paulin Broquet, qui l'autre soir faisait fonction avec Gabriel de 1 et de 2, a voulu savoir par où le vrai Zigomar était entré. Paulin Broquet a été surpris, lui qui avait si bien préparé la séance de ce malheureux, qui voulait, comme Zigomar l'a si bien dit, se draper dans la peau du lion. Paulin Broquet, dis-je, a été plus grandement que tous les aides étonnés quand il a vu apparaître le vrai Zigomar. Ce coup de théâtre l'a absolument abasourdi. Il a voulu savoir comment cela avait pu se faire. Il a cherché à connaître ce mystère. C'est possible, en effet. Cela lui était nécessaire. Paulin Broquet, connaissant le secret de la baleine, devait chercher à tirer profit de cela. Il savait par où les aides entraient. Il devait découvrir également le moyen d'accès de Zigomar. Alors, Tuyck insista. Et je gage que c'est ce qu'il a fait. Cependant, interrompit le prince Grigoriski, nous avons des hommes de garde chez Fricard. On veille non seulement dans la fourgue, et aussi dans le couloir des patates, mais aussi, et surtout, dans le salon, où se trouve la trappe qui donne accès dans les catacombes. Bon, mais Paulin Broquet a trouvé le moyen de déjouer toute surveillance. Voilà le fait. Comment? C'est son affaire. Ne perdons pas notre temps à vouloir le savoir. Tom Tuyck ajouta. En résumé, Paulin Broquet est maintenant sur la piste du docteur Ruger et du prince Grigoriski. Le prince ne répondit rien. Que venait-il faire dans cette maison? Par où est-il entré? Par la porte de la rue ou par la porte des catacombes? Voilà ce qu'il faut que nous sachions, non pas demain mais tout de suite. Quel avantage? Très grand. S'il est entré par la porte de la rue, c'est qu'il venait épier le docteur. Dans ce cas, il se peut qu'il ne connaisse pas le chemin de la cave. Mais s'il est entré par les catacombes, il n'a surpris le docteur Rougeur que par hasard. Il a gagné sur nous deux points énormes. Il connaît notre chemin secret et il connaît nos personnalités. Nous sommes à sa merci doublement. Comprenez-vous ? Je comprends. Cet homme est décidément redoutable. Je vous le dis à tout bout de champ. Tom Twig ajouta. Allons, mon cher ami. Nous allons descendre immédiatement à la cave. Nous allons vérifier. Nous allons nous rendre compte si vraiment Paulin Broquet est passé par là. Car il a laissé sans s'en douter des traces indéniables de son passage. Peu après, le docteur et le prince Grigoriski, par l'escalier de service, descendaient prudemment à la cave. Le docteur avait, prétendait-il, dans la cave, quelques réserves de produits chimiques qu'il employait dans ses études scientifiques. Et lui seul, maniaque comme tous les savants, lui seul, pouvait toucher à ces produits qui, affirmait-il, demanda à être manié avec les plus grandes précautions. Ainsi s'expliquerait tout naturellement sa présence à la cave pour le cas où on le rencontrerait, un panier à bouteilles à la main, descendant ou remontant tout à l'heure dans l'escalier de service. Le prince l'accompagna dans cette excursion. Avec le prince, il s'avança, muni d'une lampe trotteuse jetant une assez forte clarté dans la cave. Tom Twig ne chercha pas à terre, sur le sable de la cave, les traces de pas. Il ne s'inquiéta pas non plus des monceaux de bois, ni d'un tonneau plus ou moins déplacé, qui avait pu être remué par des gens s'étant heurtés ou en entrant dans la cave. Il passa dans le petit chemin réservé derrière les débarras, par où Paulin Broquet et Gabriel, nous l'avons vu, avaient dû passer pour pénétrer dans la cave. Le prince le suivait. Tom Twig, vers le mur où se trouvait percée la porte qui communiquait avec les catacombes, éleva un peu sa lampe et chercha le long du mur. « Voilà !» fit-il. « Ça y est !»« Cassé ! Ils sont passés par la cave !»« Ils ont cassé le fil ?»« Oui !»